Écoute le silence, laisse filer les grains de sable à la bonne cadence. Ôta la lenteur, s'il faut l'accueillir, laissons à la fleur le temps de fleurir. Écoute le silence, laisse filer les grains de sable à la bonne cadence. Ôta la lenteur, s'il faut l'accueillir, laissons à la fleur le temps de fleurir. J'admire le soleil poindre au-delà de l'horizon, joindre ses rayons pour oindre les étendues, peindre le moindre des reliefs sous sa chaleur. La terre exhale, manteau de vapeur, s'élève un jour nouveau, une goutte de plus dans mon cours d'eau. De la confiture pour un pourceau, car j'ai souvent du mal à recevoir les présents de la vie. Fuit en son courant, au lieu de m'y laver, chaque jour est une mort pour celui qui c'est rester vivant. Vieillis vite à vouloir lutter contre l'évidence. La lumière me tarde, mes pensées se calment, les idées se fardent puis se fanent. Je flâne en apesanteur, prends de la lenteur. Quand le culte de la vitesse est en son ampleur, je savoure ces instants suspendus. On s'avoue si souvent surtendu. Pourquoi sans cesse courir cette chute en roue libre? Qu'a-t-on tant à réaliser avant de mourir? Je ne vois rien qui ne vaille cette cavalcade, cet élan catalytique. Dans ce qu'on voit malade, je veux trouver mon rythme, ma nonchalance. Qu'importe que l'histoire brille par mon absence. Sacrifier ma jeunesse pour pouvoir me placer, puis vieillir, regretter de ne pas avoir profité assez. Non merci, je n'ai rien à trouver, je n'ai rien à prouver. Le futur imprévu, mais est-ce une inquiétude? N'essayez pas de me faire croire que le bonheur est ailleurs. Je suis incrédule, je n'ai besoin que d'un stylo dans la main, de remplir la marmite et d'un thé au jasmin. Au milieu de la rue et marre d'être acculé, je veux prendre mon temps, quitte à le tuer. Écoute le silence, laisse filer les grains de sable à la bonne cadence. À la bonne cadence. Ôta la lenteur, s'il faut l'accueillir, laissons à la fleur le temps de fleurir. Écoute le silence, laisse filer les grains de sable à la bonne cadence. À la bonne cadence. Ôta la lenteur, s'il faut l'accueillir, laissons à la fleur le temps de fleurir. Écoute le silence, laisse filer les grains de sable à la bonne cadence. À la bonne cadence. Ôta la lenteur, s'il faut l'accueillir, laissons à la fleur le temps de fleurir.